Hospitalité. Le paquebot est à quai. Vous venez, on y va? En contrebas, la page blanche nous attend. Les passagers y grouillent de partout, des immigrants pour la plupart. Ils ont traversé l'océan Atlantique, appuyés le long des bastingages ou bien couchés sur le pont. Ils sont sales, italiens, espagnols, allemand, français, anglais, juif polonais, russe, slovaque, suisse. Tous débarquent à Buenos Aires en ce début de XXe siècle. On leur a dit que certains y avaient fait fortune en à peine 10 ans. Nouvelle terre promise. À cheval sur sa valise mal ficelée, un paysan lombard épluche une orange. On improvise quelques pas sur le quai? Nous verrons bien où cela nous mènera. Ils ont traversé l'océan Atlantique, appuyés le long des bastingages, ou bien couchés sur le pont. Ils débarquent sur le quai. Ils sont sales. Certains seront attendus, d'autres pas. Ici, je me sens chez moi. Me voici à Berne avec un couple d'amis. Nous terminons la soirée autour d'un whisky dans un café cossu. Spacieuse cave voûtée, profond fauteuil en cuir, conversation feutrée. Et pourtant, je ne suis pas né en Suisse, poursuit mon ami. Mais alors, lui demande son épouse, qu'est-ce que être chez soi? Être chez soi, ce doit être là où on se sent accueilli, ce que les nomades appellent l'hospitalité. Qu'importe le lieu de naissance, la nationalité, la communauté. Tout s'est désagrégé et nous errons en ce monde, étrangers aux autres, étrangers à nous-mêmes. C'est la nuit. Pablo et Sally marchent sur les quais du port de Buenos Aires. Les grues de déchargement, illuminées comme un lieu de culte, les surplombent de toute leur hauteur. Les leçons de tango passent par ces quais. Sally, en réalité, je ne me sens pas chez moi en France. Et je ne me sens pas chez moi ici non plus. J'ai peur. Tu as peur de quoi? D'être quelqu'un sans racines. Je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je vais. J'ai peur de disparaître sans laisser de traces. Alors, c'est peut-être pour ça que nous nous sommes rencontrés. Ils ont traversé l'océan Atlantique, appuyés le long des bastingages, ou bien couchés sur le pont. Ils débarquent sur le quai. Ils sont sales. Certains sont attendus par des compatriotes arrivés quelques années auparavant. Ils sont accueillis à bras ouverts. On s'étreint chaleureusement, à bras fraternels, tapotement sur les omoplates. As-tu fait mon voyage ? Sally et Pablo se retrouvent à Paris. Je me sens juive. Et toi? Je suis un danseur et un juif. Danseuses et danseurs de tango vont de milonga en milonga, tels des juifs errants. Ils forment une diaspora qui enjambe les frontières et les continents. Ils traversent les océans, appuyés le long des bastingages, ou bien couchés sur les ponts. Ils sont beaux. Italiens, espagnols, allemands, français, anglais, américains, japonais, russes, finlandais, suisses. Ils débarquent sur les quais des milongas et le temps d'une tanda transforment le parquet de danse en terre promise, où chacun accueille l'autre à bras ouverts. Gilles Roqueton, bonheurdujour.net.